Chapitre 39e. Que peut un mortel contre la destinée? Mon génie persécuteur se préparait à m'imposer la loi de plusieurs infidélités nouvelles, dont on verra qu'il serait trop injuste de m'imputer tout le crime. Le lendemain, Madame de Fontrose vint à midi nous annoncer qu'une indisposition légère l'ayant retenue à la ville, elle venait dîner avec nous. Avant le dîner, Madame de Fontrose, que mon père laissa quelques instants seule avec moi, me dit « Sautez de joie, ce soir vous verrez Madame de Lignol. Il n'est pas possible. Écoutez et remerciez votre ami. Ce matin, comme j'étais à ma toilette, il m'est venu dans la tête une idée lumineuse. J'ai couru chez la comtesse pour lui en faire part, mais toujours trop prompte, elle était déjà partie. Je me suis tout à coup rejeté sur la vieille tante. J'ai dit à Madame d'Armincourt que Mademoiselle de Brumont, venant d'obtenir seulement tout à l'heure l'inattendue permission d'aller au Gâtinois, m'envoyait prier Madame la Marquise de vouloir bien retarder son départ de quelques heures pour lui donner une place dans sa voiture. Il sera peut-être 6 heures quand vous partirez. Vous arriverez encore assez tôt pour passer une bonne nuit avec la comtesse. Le matin, vous serez à cette fête à côté de Madame de Lignol, qui aura sans doute les yeux un peu battus et plus envie de dormir que de faire les honneurs de chez elle. » Mon père, qui rentrait, força la baronne à changer de conversation. Tout se passa d'abord aussi heureusement que Madame de Fontrose me l'avait annoncé. Avant 5 heures, Faublas fut déguisé. À 5 heures précises, Mademoiselle de Brumont posait à peine le bout de ses lèvres sur le menton pointu de la vieille marquise, qui lui rendait ce prétendu baiser avec une lenteur vraiment désespérante, et en la poursuivant d'un regard qu'une tendre curiosité semblait animer. Mais en revanche, Mademoiselle de Brumont donnait une bonne et franche embrassade à certaines filles sveltes, minces, élancées, grandelettes, et qui n'avaient sur ses joues de 15 ans que les couleurs brillantes de la nature et de la pudeur. « Madame la marquise, voilà une jolie personne. C'est une cousine de votre amie, Mademoiselle de Mésange. Je viens de l'aller prendre à son couvent pour la mener à cette fête. À propos de fête, vous n'étiez donc pas hier à Longchamp avec la comtesse? Non, madame. » « Mademoiselle est des nôtres, tant mieux. »« Vous n'y avez pas été à Longchamp ?»« Non, madame. Je suis bien aise que mademoiselle vienne avec nous. »« J'ai vu quelqu'un qui vous ressemblait beaucoup, » reprit l'éternelle bavarde. « Où cela, madame ? À Longchamp. »« Cela se peut bien. Voilà une personne vraiment charmante, mais c'est déjà une fille à marier. »« Nous y songeons, » répliqua la douairière. « Et vous, mademoiselle ?» lui demandai-je. « Moi ?» répondit la nièce en baissant les yeux et croisant d'un air embarrassé ses mains beaucoup plus bas que sa poitrine. « Moi, dame, ça ne me regarde pas. » Nous partîmes et, comme nous montions en voiture, je ne pus m'empêcher de faire cette remarque que Mademoiselle de Mésange avait la jambe fine et le pied très petit. Et comme nous faisions route, je ne pus m'empêcher d'entrevoir quelquefois, à travers une gaze infidèle, quelque chose de fort joli. Au reste, soit instinct, soit sympathie, Mademoiselle de Mésange paraissait avoir déjà beaucoup d'amitié pour moi quand nous arrivâmes au château. Tout le monde y dormait, une seule femme de chambre veillait encore pour Madame la Marquise et sa jeune parente. La comtesse avait eu soin de réserver à ses plus chers convives son propre appartement. Sa tante devait occuper son lit. Elle en avait fait dresser un autre pour sa petite cousine dans le cabinet voisin. Ce cabinet à porte vitrée, où le lecteur se souviendra que j'ai promis de le ramener plus d'une fois. Quant à Mademoiselle de Brumont, comme elle n'était pas attendue, il n'y avait point au château de quoi la loger. Pas une chambre, pas un lit ne restait vide. Tous les ans, à l'époque de cette fête, ordinairement brillante, la comtesse recevait chez elle sa famille entière. Et cette fois, comme il arrive trop souvent à la campagne, beaucoup d'amis qu'on n'avait pas priés étaient venus le soir, amenant avec eux leurs amis. Mon premier mot fut qu'on éveilla la comtesse. La vieille marquise se fâcha presque. Il n'était pas délicat de demander qu'on troublât le repos de son enfant. Des jeunesses pouvaient bien coucher ensemble et ne mouraient pas pour une mauvaise nuit. La jeune fille me regarda d'un air boudeur. J'étais une méchante de vouloir qu'on éveillât sa cousine. Ne serait-il pas plus divertissant de causer ensemble toute la nuit que d'aller chacun de son côté dormir dans un lit? Je me déshabillai vite et je courus au cabinet. Et j'avais déjà le pied dans le très petit lit où les demoiselles de Mésange et de Brumont auraient sans doute bien de la peine à pouvoir se tenir toute la nuit, l'une à côté de l'autre. Mais au ciel, quel coup de foudre vient m'atterrer! La maudite vieille s'est ravisée. Apparemment qu'en se rappelant le talent qu'elle me connaît de tout expliquer, elle a craint que je n'en fisse avec son Agnès un usage prématuré. « Non, non, » me crie-t-elle de sa voix cassée, qui me paraît en ce moment 20 fois plus rauque. « Réflexion faite, c'est avec moi que vous coucherez. » Chacun devine comme à cette proposition je me récriais, mais je ne dois cacher à personne que la jeune fille en fut autant que moi révoltée. « Quoi, ma bonne cousine, de peur que nous ne soyons un peu gênés, vous vous exposeriez à passer une mauvaise nuit ?»« Ne crains pas cela, ma petite mésange. Tu sais que j'ai le sommeil excellent. Rien ne m'empêche de dormir. » « Quoi, madame la marquise, vous auriez pour moi cette excessive bonté de permettre que je vous incommode ?»« Point du tout, mon ange, vous ne m'incommoderez point du tout. Je remarque que ce lit est fort grand, nous y serons à merveille, vous verrez. » C'était là justement ce que je ne me souciais pas de voir. Je tentais de recommencer mes représentations caressantes. Un « je le veux » très absolu me ferma la bouche. Mademoiselle de Brumont, pour dérober à Faublas tous les yeux, n'eut donc, en sa mésaventure, de parti moins mauvais à prendre que celui d'une prompte obéissance. Il fallut que, sans délibérer, elle quittât l'étroite couche d'une fille novice pour se précipiter dans le grand lit, où vint bientôt à ses côtés voluptueusement s'étendre un tendron de près de 60 ans. « Approchez, mignonne, approchez-vous, » me disait tendrement ma compagne. « Non, madame la marquise, non, je vous gênerai. »« Vous ne me gênerez pas, mon cœur, je n'ai jamais trop chaud dans mon lit. » « Madame la marquise, j'ai l'honneur de vous souhaiter le bonsoir. « Vous avez donc bien envie de dormir ?»« Je vous en réponds. « Eh bien, allons, mon cœur, ne vous gênez pas, il y a de la place. »« Mais où est-elle donc ?»« Tout à fait sur le bord du lit. » Elle fit un grand mouvement. Si sa main n'avait pas arrêté la sienne, bon Dieu, qu'aurait-elle senti ?« Ah, madame, ne me touchez pas, vous me feriez sauter au ciel. »« Là, là, mon poulet, ne sortez pas du lit. »« Je voulais seulement savoir où vous étiez. » « Remettez-vous, mais remettez-vous donc !»« Mais à votre aise, vous êtes donc bien chatouilleuse, mon petit cœur. »« J'ai l'honneur de vous souhaiter le bonsoir, madame la marquise. »« Et comment auriez-vous pu rester sur ce lit de sangle à côté de la petite mésange ?»« Vous avez raison, il m'eût été impossible d'y tenir. »« Madame la marquise, je vous souhaite une bonne nuit. »« Quelle heure peut-il être ?»« Je ne sais pas, madame, mais je vous souhaite une bonne nuit. » Enfin, la bavarde voulut bien se décider à me faire entendre à son tour le bonsoir si vivement sollicité. Dès que la marquise se fut mise à ronfler, il me sembla qu'à voix basse on m'envoyait ce doux appel « Ma bonne amie ». Je crus que c'était un jeu de mon imagination frappée. Cependant, je levai la tête et me tins à l'affût du moindre bruit. Un second, ma bonne amie, vint le moment d'après caresser mon oreille. « Ma bonne amie, vous-même, de quoi s'agit-il ? Est-ce que vous pouvez dormir, vous ? Non, en vérité, je ne puis pas. Ni moi non plus, ma bonne amie. Pourquoi cela ? Pourquoi ? Parce que, ma bonne amie, comme vous le disiez si bien tout à l'heure, il serait plus divertissant de causer ensemble. Ah, mais c'est qu'elle a mis la clé dans sa poche, madame la marquise. Après, je ne l'ai pas, moi, sa poche. Ma bonne amie, vous pouvez la trouver à tâtons. À tâtons, ma bonne amie ? Je vais chercher. Oui, ma bonne amie. Presque au pied de son lit, sur le second fauteuil à gauche, c'est là que je l'ai vu poser sa poche. « Et que ne disiez-vous cela tout de suite, ma bonne amie ?» Sans faire le moindre bruit, je trouvais le fauteuil, la poche, la clé, la serrure. Je trouvais ma bonne amie qui me reçut dans son lit pour causer. Ma bonne amie qui, pour me réchauffer, se jeta dans mes bras et me serra de tout son corps, l'aimable enfant. Depuis quelques minutes, nous causions fort amicalement, et je commençais à me réchauffer. Un tiers qui vint se mêler de la conversation la troubla. Sa brusque arrivée fit faire à mademoiselle de Mésange un haut-le-corps en arrière. « Ma bonne amie, qu'avez-vous donc qui vous effraie ? Eh, mais vos deux mains là, sur mon cou, et pourtant j'ai senti... Cela vous étonne ? C'est que je suis bonne à marier. » Ma bonne amie, que voulez-vous que je vous dise ? Vous a manqué jusqu'à présent... « Parce que vous étiez trop petite fille. Ah ?»« Puisque cela doit être ainsi, » répliqua notre Agnès, « Madame la marquise n'a pas besoin de m'avertir. Un si grand changement ne m'arrivera pas sans que je m'en aperçoive. Oui, je ris. Je pense qu'on attrape bien ma bonne amie Desrieux. Une bonne amie de votre couvent, oui. Avec qui vous allez causer la nuit, quand on oublie de m'enfermer. On l'attrape, cette demoiselle ? Certainement. » Tous les jours, on lui dit qu'elle est formée. Je vois bien que cela n'est pas vrai, et que c'est parce que l'on attend encore quelque chose que l'on ne cesse de différer son mariage sous différents prétextes. Probablement, quel âge a-t-elle? 16 ans. Oh, trop jeune encore. Moi, j'en ai bientôt 18. Et il y a longtemps que vous êtes bonne à marier? 1 an, à peu près 1 an. Ah ça, vous ne dites à personne que vous causez avec cette demoiselle. Je ne suis pas si bête. On s'arrangea de manière que nous ne le pourrions plus. Ainsi, vous ne vous aviserez pas de compter que je suis venu cette nuit vous entretenir. N'ayez pas peur. À propos, il y a quelque chose qui nous tourmente beaucoup, Derieux et moi. Vous me direz sûrement cela, vous, ma bonne amie. Et qu'est-ce qu'un homme? Un homme? Je donnerai tout au monde pour le savoir, ma bonne amie. Oui? Eh bien, soyez de l'accord que nous avons fait, Derieux et moi. Voyons, c'est que la première des deux qui se marierait viendrait, dès le lendemain, tout compter à l'autre. Bah, j'en suis. Ma bonne amie, vous m'embrassez presque tout comme Derieux m'embrasse, et je ne sais pas, il me semble que cela me fait encore plus de plaisir. Cela vient de ce qu'apparemment je vous aime davantage que vous ne lui plaisez. Ma bonne amie, eh bien, que voulait-elle faire de ma main dont elle s'empare tout à coup en disant « Embrasse-moi donc tout à fait comme Derieux m'embrasse, ma bonne amie. » Ma bonne amie, pas tout à fait comme, mais peut-être un peu mieux. Quoique je ne cessasse de l'assurer que tout serait bientôt fini, que le plus difficile était déjà fait, la jeune personne, après quelques faibles cris, à grand-peine étouffés, ne put retenir un dernier cri plus perçant. Je ne vous dirai pas ce qui causait alors ses souffrances, mais je crois vous avoir prévenu que Mademoiselle de Mésange avait le pied très petit. N'était-ce pas une chose bien cruelle que d'être obligé de quitter le champ de bataille au moment où la victoire se déclarait? Il le fallut pourtant. La marquise, tout à coup tirée de son premier sommeil, s'agitait en murmurant ces mots. « mon Dieu, c'est un songe. Ah, ce n'est qu'un songe. » Aussitôt, je pris mon parti. Je quittai le lit de l'ex-pucelle et me traînai sur les genoux en m'aidant de mes deux mains jusqu'au lit de la douairière. Alors, celle-ci, tout à fait réveillée, s'inquiétait vraiment beaucoup de ce qui avait causé le bruit qu'elle venait d'entendre. « Hélas, c'est moi, madame. »« Vous, mademoiselle, et où êtes-vous donc ?»« Par terre, dans la ruelle, je viens de me laisser tomber. »« Ainsi, vous voulez rester sur le bord ?»« Au contraire, madame la marquise. »« Comment au contraire ?»« Je me suis trop approchée. »« Eh bien ?»« Eh bien, madame, en dormant, se remue. »« Madame a avancé sa jambe. »« Sa jambe m'a touchée. »« Je ne l'ai pas fait exprès, ma chère enfant. » « Là, bien, remettez-vous, et restez à quelque distance. »« Oh oui. »« Ma petite, vous m'avez réveillée en sursaut. »« Ne me grondez pas, madame la marquise, j'en suis au désespoir. »« Je ne vous gronde point, il n'y a pas grand mal. Nous allons causer un moment. »« Je vous prie de m'en dispenser. Je me sens déjà toute malade d'avoir si peu dormi. » Cette réponse, faite du ton le plus simple, me rendit ma tranquillité. « Bonsoir, madame la marquise. » « Allons, mon enfant, puisqu'absolument vous le voulez, bonsoir. » Ma compagne, à ces mots, se rendormit, et son ronflement nasillard, qui tout à l'heure déchirait mon oreille, maintenant la caressait comme l'aurait pu faire la voix la plus enchanteresse, la voix de Baletti. « Ne vous en étonnez pas, il m'annonçait que l'heure du berger m'était rendue. C'était l'heure signal auquel je devais me hâter d'aller reprendre un charmant ouvrage très avancé, mais enfin, malheureusement interrompu comme il s'achevait. Pressé d'y mettre la dernière main, je soulevai la couverture avec infiniment de précaution, et déjà mes pieds touchaient le carreau, quand j'entendis tout à coup cesser le ronflement propice. Une main potéridée, qui me parut celle de Proserpine, me saisit par la nuque et me tint là quelque temps en arrêt. « Un instant, » me dit enfin l'infernale vieille, « j'y vais avec vous. » Elle y vint en effet, mais pour refermer soigneusement la porte. « Dormez, mademoiselle, dormez » cria-t-elle à la porte de la petite de Mésange. « Et prenez patience, nous vous marierons bientôt. »« Ah, mais, madame la marquise, » répondit ma bonne amie d'une voix traînante, « je ne suis pas encore bonne à marier, moi. »« Oui, oui, » répondit l'autre en la contrefaisant, « petite sucrée, vous avez l'air de ne pas y toucher. Cela n'empêchera pas qu'on y mette ordre, et cela le plus tôt possible. » « Allons-vous, la demoiselle aux habitudes, » ajouta-t-elle en me reconduisant à son lit par la main. « Voyons, voyons si vous ne pouvez en effet veiller que pour les jeunes. » À ces terribles paroles, qui m'annonçaient des tourments tout près, je sentis un frisson mortel glacer mon sang, qui rappelait de toutes les extrémités reflua vers le cœur avec une prodigieuse vitesse. Tremblant de tous mes membres, je me laissais traîner vers l'échafaud. Je tombais sur ce lit où déjà m'attendait une furie pour m'étreindre de ses bras vengeurs. J'y tombais sans force, sans mouvement, presque sans vie. Jamais plus qu'alors je n'éprouvais combien un résolu jeune homme, dont le grand courage est d'ailleurs commandé par la nécessité qui presse, peut en toute occasion compter sur lui-même. Après de courtes indécisions, après quelques premiers moments d'abattement et de terreur, inséparables de l'épouvantable entreprise à laquelle j'étais appelé, je me sentis moins incapable de la tenter et peut-être de la mettre à fin. Malheureux. Ton heure est donc enfin venue. Allons, Faublas, allons, du cœur, immole-toi. Ainsi j'encourageais tout bas ma vertu qui chancelait encore, et pour l'affermir, j'eus besoin d'un effort nouveau. Mais enfin la victime ne désirant plus rien que de s'épargner au moins de cruels apprêts, que d'accomplir le douloureux sacrifice en un seul instant, s'il était possible, la victime résignée se précipita tout d'un coup sur son bourreau. « Quelle vivacité !» s'écria la maligne vieille en ricanant. « Avez-vous l'intention bien déterminée de violer la douairière d'Armincourt ?»« Non, madame, en vérité, j'ai trop d'honneur pour me permettre une aussi indigne action. »« Eh bien, tenez-vous donc tranquille à mes côtés. » J'ai pu vous faire une malice. La gaieté est de tous les âges et pour moi de tous les instants quand il n'est pas question de mon Éléonore. Mais ce serait pousser un peu trop loin la plaisanterie que d'accepter ce que vous avez la générosité de m'offrir. Gardez, gardez pour les jeunes femmes. Si la tante vous prenait au mot, la nièce pourrait n'être pas contente. La nièce, vous pensez que madame de Lignol... Assurément, je le pense. Mais pour le moment, laissons la comtesse. Il nous convient de traiter un objet plus pressant. Monsieur, vous parliez tout à l'heure d'une indigne action, mais ne sentez-vous pas que celle dont vous vous êtes rendu coupable pendant mon sommeil est horrible? Madame, quelle autre à ma place? Et pourquoi vous trouvez à cette place où vous ne deviez jamais être? Pourquoi venir chercher des tentations auxquelles personne ne résisterait? Pourquoi surprendre la confiance des parents par un déguisement perfide? Monsieur, je ne vois rien qui vous puisse excuser. Mais vous avez du moins, je l'espère, quelques moyens de réparer l'injure que vous venez de faire, dans la personne de mademoiselle de Mésange, à tous ses parents ici rassemblés. Madame, sans doute vous épouserez cet enfant. Madame, répondez net, ne le voulez-vous pas? De tout mon cœur. Oh oui, il épouserait toute la famille, lui, toute la famille, et moi-même, je n'avais qu'à le laisser faire. De tout mon cœur, comme je vous le dis, mais... Voyons, votre mère, je ne le peux pas. Vous êtes mariée, n'est-il pas vrai? Oui, madame. C'est cela. Voilà qui devient certain. Qu'est-ce qui devient certain? Laissez, monsieur, laissez, je me parle à moi. Vous voyez que c'est une chose épouvantable de séduire ainsi des jeunes personnes qu'il ne vous est même pas possible de prendre en mariage, car elle est séduite, n'est-ce pas? C'est une affaire finie. Madame la marquise, ne vous fâchez pas, je vais tout vous conter. La bonne parente, qui ne m'entendit pas sans m'interrompre par de fréquentes exclamations, s'écria quand je n'eus plus rien à dire. « Voilà qui est fort extraordinaire, et qui diminue un peu le mal, un peu. Monsieur, je vous demande le plus profond secret, et je compte assez sur un reste d'honnêteté. Comptez-y, madame. Bien, monsieur. Je ne dirai rien à la jeune personne, car que lui dirai-je? C'est une petite sotte qui, sans le vouloir, s'est avisée de faire la grande fille, voilà tout. » Laissons-lui son erreur ridicule, mais utile. C'est un article très délicat, auquel nous reviendrons quand il en sera temps. Monsieur, je vous souhaite à mon tour une bonne nuit. Reposez-vous, si bon vous semble, mais croyez que je ne m'endormirai plus. J'usai de la permission, car après les diverses agitations de cette nuit heureuse et fatale, le sommeil me devenait nécessaire. Cependant, on ne m'en laissa pas longtemps goûter les douceurs. Les premiers rayons du jour amenèrent dans notre chambre madame de Lignol, qui se servit de son passe-partout pour entrer. Je fus réveillé par les baisers qu'elle me donnait. « Te voilà, ma petite Brumont. Quel bonheur! Je ne t'attendais pas. Tout à l'heure, par hasard, on vient de me dire... » Elle courut au cabinet avec une inquiétude marquée, et regardant à travers les vitres. « Ma tante, vous avez mis là ma petite cousine, toute seule? Vous avez bien fait. Pas trop, ma nièce. Pourquoi ?» Parce que j'ai passé une assez mauvaise nuit. Et vous l'avez enfermée, ma cousine? Ah, c'est encore mieux, cela. Mieux. D'où vient? Ai-je dit mieux, ma tante? Oui, ma nièce. C'est que je parle sans réflexion, car quel danger? Sans doute, dans un appartement où il n'y a que des femmes. Que des femmes, oui, ma tante, et des hommes dans les appartements voisins, pour les défendre en cas de... Oui, voilà ce que c'est. Pourquoi donc n'êtes-vous pas venue qu'à 2 heures du matin, ma tante? Parce que j'ai voulu vous amener cette chère enfant, ma nièce. Que vous êtes bonne. Bien bonne, n'est-ce pas? Brumont, pourquoi donc ne m'avez-vous pas fait éveiller? C'est moi. Ne la grondez pas. C'est moi qui n'ai pas voulu qu'on vous éveillât. Vous avez eu bien tort, ma tante. Tu ne dis mot, ma petite Brumont. Tu es triste? Va, je suis aussi bien fâchée. De quoi, ma nièce? Mais de ce que vous avez toutes deux fort mal couchées. Tu avais donc un lit pour cette enfant? Elle aurait partagé le mien, ma tante. Voilà justement ce que je n'ai pas voulu, ma nièce. Vous auriez pourtant passé une meilleure nuit. Oui, mais toi? Bon, nous nous arrangerons bien ensemble. C'est pourtant une très mauvaise coucheuse. Trouvez-vous, ma tante? Elle remue toute la nuit. Sans cesse, elle était sur moi. Sur vous, à peu près. À peu près, bon. Je ne cessais de la repousser. Elle m'échauffait, elle m'étouffait, elle... Mon Dieu, mais... Eh bien, ma nièce, qu'est-ce qui vous inquiète? Mais vous, vous en avez été donc prodigieusement incommodée? Vraiment? Si cela m'arrivait toutes les nuits, à mon âge, mais pour une fois. Madame de Lignol fut pleinement rassurée par le ton de bonhomie dont sa maligne tante prononça ses dernières paroles. L'étourdie nièce n'en vit que le côté plaisant. Ah, mais toi, Brumont, s'écria-t-elle en m'embrassant, tu as dû passer une bonne petite nuit. Ma tante ne t'aura pas empêché de dormir. Tiens, tu as du chagrin. Et moi aussi, je t'assure. Je suis désolé, désolé qu'on ne t'ait pas indiqué ma chambre. Cependant, tiens, conviens que c'est bien drôle de te voir ainsi, là, près. Tiens, pardonne, mais je ne peux plus y tenir. En effet, les éclats de rire, quelque temps retenus, s'échappèrent. L'explosion fut si forte et dura si longtemps qu'enfin la comtesse tomba sur le lit où elle empama. C'est écervelé rit de si bon cœur qu'elle vous donne envie d'en faire autant, dit la tante, et elle imita la nièce, de manière que je vis le moment qu'elle la surpasserait. Comment alors me défendre de partager leur gaieté? Notre joyeux trio fit tant de bruit que Mademoiselle de Mésange en fut réveillée. La prisonnière vint frapper à ses carreaux. Madame de Lignol, dit la marquise, ouvre à cet enfant, prends la clé dans ma poche. La comtesse, pour avoir plus tôt fait, se servit de son passe-partout. Sans entrer dans le cabinet, cria bonjour à sa cousine et revint de mon côté s'asseoir sur le bord du lit. La petite Mésange, volant sur ses pas, arriva comme elle et me dit en m'embrassant « Bonjour, ma bonne amie. »« Qu'est-ce que c'est donc ?» s'écria la comtesse, surprise et fâchée. « Qu'est-ce donc que ces familiarités-là et ce nom que vous lui donnez ?»« Apprenez que je ne veux pas qu'on embrasse Mademoiselle de Brumont et qu'elle n'est la bonne amie de personne. » Je vous réponds que la comtesse, assez contrariée d'être un instant ailleurs qu'à mes côtés, eut bientôt fini avec la cousine. Je vous réponds que, pour l'habiller de la tête aux pieds, il lui fallut moins de temps qu'ordinairement elle n'en mettait à me passer un seul jupon. Aussi, toutes deux rentrèrent bientôt dans la chambre à coucher. La marquise complimenta l'une de sa promptitude et pria l'autre d'aller se promener dans le parc. « Ah, mais c'est qu'il est de bonne heure pour se promener. Tant mieux, l'air du matin vous rafraîchira. » « Ah, mais c'est que pour se promener, il faut marcher. »« Eh bien, j'ai de la peine à marcher. »« Bon, mademoiselle la douillette, ses souliers la blessent. »« Non, ce ne sont pas mes souliers. Ce n'est pas aux pieds que j'ai mal. »« En voilà assez de dit. Partez, partez. » Nous n'entendîmes pas le reste, parce que la comtesse, voyant enfin sa cousine dans le corridor, lui ferma doucement la porte au nez. « Fort bien, ma nièce, aimez les verrous, que personne ne vienne nous interrompre. »« Oui. » « Assieds-toi là, sur le bord du lit, mais regarde-moi donc aussi quelquefois. »« Tu n'as Dieu que pour Mademoiselle de Brumont. »« Ah, c'est pour la consoler. Elle a du chagrin, voyez-vous. »« Madame de Lignol, il me paraîtrait très étonnant, mais pourtant très désirable, que vous ne connussiez pas tout à fait si bien la prétendue demoiselle ici couchée près de moi. »« La prétendue demoiselle. »« Ma nièce, je vous déclare. »« Et puis-je vous apprendre quelque chose qui vous surprenne ?»« Je vous déclare que cette jolie fille est un homme. » Un homme? Êtes-vous sûr, ma tante? Sûr. Et lui-même, il est là pour me démentir, si je ne dis pas l'exacte vérité. Lui-même voulait, il n'y a pas 2 heures, m'en donner des preuves. Voulez-vous en donner? Cela ne se peut pas. Ne vous en étonnez pas trop, ma nièce. Il s'y croyait obligé. Obligé? Pourquoi? Demandez-lui. Dites pourquoi, s'écria-t-elle en m'adressant la parole avec une extrême vivacité. Parlez. Parlez enfin. Parlez donc. Vous me voyez, lui répondis-je, si stupéfait de tout ce qui m'arrive que je n'ai pas la force de dire un mot. Il veut me réduire à faire moi-même ce pénible aveu, reprit la marquise. Ma nièce, il s'y croyait obligé parce que je l'exigeais. Vous l'exigez, ma tante. Rassurez-vous, je n'en avais que l'air. Que l'air. Oui, je vous dis, j'ai fait grâce au généreux jeune homme quand je l'ai vu prêt à s'immoler. Cependant, il le pouvait, s'écria la comtesse, aussi surprise que désolée. Enfin, ma nièce, tu veux donc que je me fâche? Vous voudriez donc, madame, qu'il ne trouve jamais ces choses-là possibles que pour vous? Pour moi? Madame d'Hermincourt l'interrompit d'un air très sérieux. Éléonore, je vous ai toujours connue extrêmement franche avec moi, surtout. Mais convenez, poursuivit-elle, en m'appliquant un vigoureux soufflet, convenez qu'il faut que ce monsieur de Faublas soit un effronté petit coquin pour être aujourd'hui venu coucher avec la tante par la seule raison qu'il ne pouvait plus coucher avec la nièce. « Ma tante, s'écria la comtesse avec un peu d'humeur, pourquoi donc frapper si fort? Vous lui ferez mal. » « Oui, mal, il est trop heureux, c'est une faveur. Madame de Lignol, à présent que vous ne pouvez plus, sous prétexte d'ignorance, vous en défendre, il faut tout à l'heure prier monsieur de se lever, le mettre sans esclandre à votre porte et l'y consigner pour jamais. » « Le mettre à ma porte, ma tante? Eh bien, je vous le dis, c'est mon amant, c'est l'amant que j'adore. » « Et votre mari, madame ?»« Mon mari, c'est aussi lui, je n'en ai pas d'autre que lui. »« Quoi, ma nièce? Il n'y a pas près déjà de 5 mois que monsieur de Lignol vous a vraiment épousée ?»« Épousée? Jamais, c'est lui, ma tante. »« Comment? C'est lui qui m'aime la première fois ?»« Oui, ma tante, c'est lui. »« Alors, petit drôle, quel épouseur que ce monsieur-là !»« Mais vous êtes grosse, ma nièce. »« Eh bien, ma tante, c'est encore lui. » « Mais votre mari vous demandera qui a fait cet enfant. »« Je lui répondrai que c'est lui. »« Et s'il n'a jamais couché avec toi, comment veux-tu qu'il te croie ?»« Eh, mais c'est à cause de cela qu'il me croira. »« Comment c'est à cause de cela ?»« Sûrement à cause de cela. »« Allons, ma nièce, voilà que nous faisons ensemble des quiproquos. »« Vous êtes si vive qu'il est impossible de s'expliquer avec vous. »« Je suis si vive, vous ne l'êtes pas, peut-être. »« Eh, le moyen de ne pas l'être avec une écervelée ?»« Voyons. » Faites-moi la grâce de m'expliquer de quelle manière on peut s'y prendre pour persuader un homme qui n'a jamais épousé sa femme, que pourtant il lui a fait un enfant. Regardez si ce n'est pas désespérant. Mais ma tante, faites-moi vous-même la grâce de m'expliquer pourquoi vous imaginez que j'irai faire à M. Delignol un raisonnement aussi bête que celui-là. Ma nièce, c'est vous qui me le dites. Tout au contraire, je me tue de vous crier que je lui déclarerai que c'est lui qui m'a fait cet enfant. Écoutez, ma petite. « Je suis bonne femme, j'aime à rire, mais ceci passe la raillerie. Vois d'abord combien de dangers t'environnent. »« Je ne connais point de danger quand il s'agit de lui. »« Et ta conscience, Éléonore ?»« Ma conscience est tranquille. »« Tranquille, cela ne se peut pas. »« Vous qui ne mentiez jamais, vous mentez. »« Écoute, Éléonore, je te chéris comme mon enfant, je t'ai toujours idolâtré, trop peut-être. »« Je t'ai peut-être gâté, mais tâche de te souvenir... » Comme dans les choses essentielles, je me suis toujours attaché à te donner les meilleurs principes. » Elle reprit après un silence. « Il faut que je t'éclaire. » Quand une fille naturellement vive se montre au printemps émue du spectacle de la nature, est surprise dans de fréquentes rêveries, avoue des inquiétudes secrètes, se plaint d'un mal qu'elle ignore, on dit communément qu'il faut un mari. Mais moi qui te connais, moi qui t'ai vu toujours caresser de ceux qui t'entouraient, répondre à leur attachement par un attachement égal, payer mes soins de reconnaissance, et me chérir autant que je t'aimais, pleurer les malheurs d'un vassal et même les peines d'un étranger, je crois que la nature, avec la vivacité bouillante, t'a donné la tendre sensibilité. Je crois que ce n'est pas seulement un mari qu'il te faut, je crois qu'il te faut un amant. Néanmoins, on s'obstine à te faire épouser monsieur de Lignol. Tu n'as pas encore 16 ans, il a 50 ans passés. Ta jeunesse à peine commencera que son automne sera fini. Comme tous les vieux libertins, il deviendra valétudinaire, infirme, dur, grondeur, jaloux. Et pour comble de malheur, 6 fois par an peut-être, tu seras obligé de supporter le dégoût de ses embrassements. Oh, ma tante, vous ne pouviez pas deviner qu'il me resterait du moins, dans mon infortune, cette consolation que mon prétendu ne serait jamais capable de l'être. Jamais capable, ma nièce ? s'écria-t-elle en pleurant. « Jamais, ma tante. Fi, le vilain homme !»« Jamais capable !» répétait la marquise en pleurant. « Ah, le vilain homme ! Ah, ma pauvre petite, comment vas-tu faire, pauvre petite ? Il n'y a donc pas de remède. Jamais capable. Voilà qui est bien différent. Cela change beaucoup. Mais non, cela ne change rien. Ma chère enfant, tu n'en es que seulement un peu plus à plaindre. Éléonore, vous n'en devez pas moins tout à l'heure et pour toujours renoncer au chevalier. Renoncer à lui ? Plutôt mourir ! Madame d'Hermincourt, en se hâtant de passer une camisole et un jupon, s'écria. « Bon Dieu, voilà que j'y songe. Chacun se demanderait où cette demoiselle a couché. Chacun saurait que c'est là. Ne dirait-on pas que j'ai aussi quelque chose de commun avec ce morveux, moi ? Je serais pour aujourd'hui l'héroïne de l'aventure, d'une aventure galante à 60 ans passés. C'est s'y prendre un peu tard. Allons, madame, vous sentez bien qu'il s'agit moins de m'épargner un ridicule que de sauver votre réputation, que de vous sauver vous-même. Il faut qu'il parte. Non, ma nièce, je ne souffrirai pas que devant moi vous soyez sa femme de chambre. Je l'habillerai pour le moins aussi vite et aussi décemment que vous pourriez le faire. N'ayez aucune espèce de crainte. Je ne suis ici que le chien du jardinier. » Il y eut, tout le temps que dura ma toilette, une contestation fort vive entre la tante qui voulait toujours que je partisse et la nièce qui ne le voulait toujours pas. Cependant, on vint avertir Madame de Lignol qu'il était nécessaire qu'elle descendît pour ordonner quelques derniers arrangements relatifs à la fête. « Je suis à vous tout à l'heure, » me dit-elle. Un moment après, la tante aussi me quitta et revint avant la nièce, qui pourtant ne tarda pas. Un bon quart d'heure à peu près s'écoula, et je n'ai pas besoin de dire que la dispute recommencée allait toujours s'échauffant quand on vint de nouveau déranger la comtesse. Obligée de me quitter encore, elle m'assura du moins que ce serait l'affaire d'une minute, mais elle était à peine descendue lorsque la tante me dit « Monsieur, je vous crois un peu moins déraisonnable qu'elle. Vous devez sentir combien votre séjour ici peut la compromettre. Cédez à la nécessité, cédez à mes sollicitations, et s'il le faut, à mes prières. » Elle m'entraîna, elle me conduisit, par des détours qui m'étaient inconnus, dans une espèce de basse-cour où sa voiture m'attendait. Comme j'y montais, le hasard amena près de nous Mademoiselle de Mésange, ma bonne amie. « Vous vous en allez ?»« Hélas oui, ma bonne amie. Faites, je vous en prie, mes compliments à Mademoiselle Desrieux. Je n'y manquerai pas. »« Ah ça, mais toujours vous m'assurez bien qu'elle ne tardera pas à devenir bonne à Marie. »« Taisez-vous, mademoiselle, » interrompit brusquement la marquise. « Et si jamais vous répétez de pareil... »